Attends, mais... tu sais faire que les intros et tout. Moi, est-ce que je sais jouer de la basse? Hein? Tu sais pas jouer. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Mais qui c'est qui faudrait parle? Une pédale pour que je puisse couper le micro. Ça m'entend pas. C'est Philippe. Celui qui sait pas jouer. Quand tu parles, toi? Je connais aucun morceau. Ah, mais c'est pas Phil. C'est pas Philippe que je connais. Ah, mais c'est pas on le peut même. Parler là-dedans. Et je me disais ouais. Aussi, il joue pas de, il joue plus de guitare électrique. Ah, certainement pas. Bah oui, tu peux. Ah, ah ouais. Non. Oh, je suis débutant. Un débutant longue durée. Ah, toi aussi, comme moi. Bon, je vais aller chercher ma babasse.